Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence le cours numéro 26 aujourd'hui dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra. On est arrivé à l'endroit où on va parler maintenant du fait que Al-Aql Sahih yuwafiq Al-Naql Sarih. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la raison qui est propre et saine et le texte qui est authentique. Hein? La raison qui est propre et saine ne va jamais contredire le texte qui est authentique, que ce soit dans le Coran et dans la Sunna. Et donc le Cheikh, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: wa'lam anna laysa fil 'aql as-sarih wa la fil naql as-sahih ma yujibu mukhalafat at-tariq as-salafiyya aslan, lakin hadha al-mawdi' la yattasi'u lil jawab 'an ash-shubuhat al-waridah 'ala al-haqq, faman kana fi qalbihi shubhatun wa ahabba hallaha فَذَلِكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ. Donc le Cheikh explique, Cheikh l'Islam, il dit: sache que la raison qui est saine, qui est propre, le Cheikh Al-Fawzan il explique Al-Aql Al-Sarih, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Al-Aql Al-Sarih هو العقل السالم من الشكوك والأوهام, c'est-à-dire la raison qui est exempte de tout doute et de toute c'est-à-dire des choses que tu peux imaginer qui sont fausses dans ton esprit, hein? Donc des fausses conceptions, des illusions, hein? C'est ça. Donc la raison qui est propre et claire et saine et explicite et claire et directe, c'est cette raison-là, hein, comme on appelle des fois le gros bon sens, hein, elle peut pas être en contradiction avec النقل الصحيح. Et le Cheikh explique النقل الصحيح, qu'est-ce que c'est? Il dit النقل الصحيح هو الذي جاء به القرآن أو السنة الصحيحة ليس فيهما ما يخالف طريقة السلف أبدا بل طريقة السلف توافق العقل الصريح والنقل الصحيح. أما هؤلاء الضلال فإنهم يخالفون فإنهم مخالفون للنقل الصحيح وللعقل الصريح. Donc le Cheikh explique, Cheikh Al-Fawzan il dit النقل الصحيح, c'est le texte qui est ramené dans le Coran ou dans la Sunna authentique, c'est ça النقل الصحيح. Et il n'y a pas dans ce qui est dans le Coran ou dans la Sunna authentique rien qui serait en contradiction avec la voie des salaf. Il n'y a rien dans le Coran et dans la Sunna authentique qui serait en contradiction avec la voie des salaf et la aqida salafiyya, la aqida des salaf de cette umma. C'est normal, puisque la aqida des salaf est tirée des textes du Coran et de la Sunna. Donc comment elle pourrait être en contradiction avec le texte authentique? Et elle n'est pas non plus en contradiction avec la raison propre et saine, la logique propre et saine, hein, qui est telle qu'elle. Elle ne vient jamais en contradiction avec celle-ci. En ce qui concerne la logique grecque, la logique d'Aristote, ou la logique de Platon, ou la logique des autres kuffar, mushrikin, hein, des Grecs, des Hindous, ou des autres peuples, hein, des Juifs et des Chrétiens, ou autres, qui se basent sur des choses qui sont fausses pour établir leur logique, eh bien, ces choses-là sont, hein, sont déjà à la base fausses. Donc, comment on pourrait se référer à ces fausses logiques pour essayer d'établir quoi que ce soit dans la compréhension du Coran et de la Sunna? Hein, c'est complètement contradictoire, et c'est ça malheureusement que les gens de Bid'a ont fait. C'est ça malheureusement que les gens de Bid'a, parmi les gens de Kalam, et les Mu'attila, hein, et les Mushabbiha, et toutes les différentes voies d'égarement ont fait. Ils ont essayé d'interpréter le Coran et la Sunna à la lumière de ces philosophies étrangères, de ces choses qui sont basées sur le faux. Donc le Cheikh il dit, la voie des salafs, elle est en accord avec l'aql sarih, c'est-à-dire la raison qui est propre et explicite et claire, et al-naql sahih, c'est-à-dire le texte, hein, de la révélation qui est authentique. Amma ha'ula, en ce qui concerne ceux-là, ces égarés, c'est-à-dire les gens de kalam, par exemple les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya, et ainsi de suite, hein, et les Ahbash, etc., eh bien, ces égarés, ils sont en contradiction avec le texte authentique et avec la raison explicite et claire. Ils ont contredit les deux ensemble. Après, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah en a lu qu'il a dit, يعني ما يعني ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. C'est-à-dire, déjà en partant et à la base, sache qu'il n'y a rien dans la raison claire et explicite, ni dans les textes authentiques, qui nous obligerait à contredire la voie salafie. À la base, déjà, il n'y a rien qui pourrait nous obliger à contredire cette voie-là. Et le cheikh, il dit ensuite, لكن, il explique, il dit, فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, si tu trouves une contradiction entre les deux, entre la voie salafie et la raison qui est saine et propre et claire, et le texte qui est authentique, c'est une des deux choses qui a, c'est impossible. Déjà, en partant, ça, c'est impossible qu'il y ait une contradiction entre la voie salafie, la voie des salafs, et la raison qui est propre et claire, et le texte qui est authentique. C'est pas possible qu'il y ait une contradiction entre les deux. Impossible. Mais le cheikh il dit, s'il y a une différence entre les deux, si tu trouves une divergence quelconque, c'est parce que soit que cette logique que tu ramènes, elle n'est pas explicite, elle n'est pas claire, elle n'est pas saine, ou que le texte que tu ramènes n'est pas authentique. S'il y a une contradiction, c'est parce que soit que c'est un texte, c'est-à-dire c'est un texte qui n'est pas authentique, c'est-à-dire un hadith qui est mondou, ou qui est daïf, hein, fabriqué ou faible, donc qui n'est pas une référence déjà en partant, hein, ou bien que tu te bases sur une logique qui est incorrecte. Il y a une erreur dans son raisonnement, il y a une erreur dans cette logique, elle n'est pas saine, elle n'est pas claire, elle n'est pas correcte. Et souvent, tu trouves des gens se trompent dans leur raisonnement rationnel et dans leur logique. Et souvent, ils se basent sur ces raisonnements-là pour établir un principe dans le Coran, dans la Sunna ou dans la religion de l'Islam, et leur raisonnement est erroné, et à cause de ça, ils commencent à rejeter des textes du Coran et de la Sunna parce qu'ils ont établi des principes rationnels selon eux, mais des principes qui sont en réalité irrationnels, qui sont incorrects, erronés, et ils se mettent à juger le Coran et la Sunna en se basant sur ces problèmes, ces erreurs-là. C'est ça l'égarement de ces gens-là. Parce qu'ils se sont inventés des lois qu'ils ont nommées rationnelles, et ils ont dit, c'est avec ces lois-là qu'on doit comprendre le Coran et la Sunna. Et selon ces règles-là qu'on doit comprendre le Coran et la Sunna. Et ces règles-là, ils les ont inventées eux-mêmes. Et ils les ont imaginées avec leur propre raison, en s'inspirant des principes des Grecs et de la philosophie et des trucs de ce genre. Et en s'inspirant des autres philosophies, des autres religions aussi. Puis ils ont ramené ça dans l'islam. Et là, ils ont commencé à chercher dans le Coran, à lire les versets et à lire les hadiths. Chaque fois qu'ils ont trouvé quelque chose dans le Coran ou dans la Sunna qui est en contradiction avec les lois qu'ils ont inventées et les principes et les règles qu'ils ont inventées, ils ont dit, ah, ce verset-là, il faut l'interpréter d'une autre façon. Oh, ce hadith, ah non, soit comme si on le rejette, on ne l'accepte pas. Hein, ou bien on déforme sa signification. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à bâcler et attaquer et frapper la religion indirectement, en pensant faire du bien, parfois. Ils s'imaginent qu'ils sont en train de défendre la religion ou de purifier la religion, alors qu'ils sont en train de la détruire, sans même le réaliser. Parce qu'ils n'ont pas suivi la voie des salafs salih. Hein, et qu'ils ont voulu ramener leur propre voie. Après la période des salafs, après les imams des salafs, ils ont voulu ramener leur propre voie, leurs propres règles pour comprendre la religion et laisser la voie des salafs de côté. Et comme on l'a vu au début du livre, dans les premiers cours, ils ont commencé à critiquer et à insulter et à dénigrer les salafs parce qu'eux n'avaient pas ramené les mêmes règles et les mêmes lois qu'eux, hein, qu'eux ont inventées. Donc, ils ont commencé à essayer de dire, si les salafs n'ont pas ramené les mêmes lois que nous, les mêmes principes que nous, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore atteint notre niveau dans la compréhension, dans l'intelligence. Ils n'avaient pas notre degré de connaissance. Nous, on a atteint un autre degré. Et donc, on est a'lam, ahkam. C'est ça ce qu'ils ont prétendu. On est plus savant, plus méthodique dans notre façon de comprendre la charia et la aqida, et ainsi de suite. Donc, Cheikh l'Islam, il les a réfutés. Il leur a dit, non, c'est pas vrai, qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est faux. Votre voix, elle n'est pas plus savante, elle n'est pas plus méthodique, elle n'est pas plus sage, elle n'est pas plus claire que la voix des salafs. Au contraire, elle est corrompue, votre voix. Et vous êtes en train de détruire la religion et déformer toute la religion de sa réalité en agissant de la façon dont vous le faites. En réalité, vous dites que vous suivez une raison et vous prétendez que vous suivez une logique. En réalité, ce n'est pas la logique que vous suivez, c'est vos passions que vous suivez. Vous êtes en train de suivre vos passions et pour essayer de justifier ça, vous l'appelez raison. Hein? ça, c'est la raison. Alors que non, ce n'est pas vrai que ce n'est pas la raison, c'est la passion que vous suivez. Hein? Et beaucoup de gens à notre époque et même avant, ils confondent la passion et la raison. Et les gens, tous les kuffars et les mouchriquins et les gens de bid'a, à chaque fois quand ils prétendent que qu'est-ce qu'ils suivent, c'est de la logique, quand tu regardes et tu analyses comme il faut, tu constates que c'est de la passion et rien d'autre. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Donc, le cheikh, il explique ensuite, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, mais ce moment-là ou cet endroit-là où on, là il est en train d'expliquer, il dit c'est pas maintenant le bon endroit pour commencer à élaborer plus au sujet des différentes shubuhat et de la façon dont on peut répondre à ces différentes shubuhat qui sont présentées pour essayer de contrer la vérité. Mais celui qui dans son cœur a une de ces shubuhat, il a une de ces ambiguïtés ou de ces doutes que les gens de Bid'a lui ont donné, et là il a des doutes à cause de ça, il est confus dans sa religion à cause des faux arguments que ces gens-là ont ramenés, et il voudrait essayer de se débarrasser, il aimerait se débarrasser de cette shubha, eh bien ça c'est très très facile. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah a dit, ça c'est très très facile s'il le veut. Ensuite le cheikh il explique, il dit, bon, il est Cheikh Al-Fawzan, et il va expliquer par la suite la prochaine phrase. Où Cheikh Ibn Taymiyyah a dit: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. من المتأولين في هذا الباب في أمر مريج. C'est-à-dire, puis ceux qui ont contredit, c'est-à-dire les gens de bid'ah, les gens de kalam, les mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah, les asha'ira, les jahmiya, les asha'ira, les mu'tazila et les maturidiya, et ainsi de suite. Ils ont contredit le Coran et la sunna. et la voix des salafs de cette umma dans la question yani des noms et des attributs et qui ont déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là sont dans une confusion totale. Ils sont yani hum fi amrin marij, c'est-à-dire ils sont complètement mélangés, complètement confus. Ils n'ont pas une règle qu'ils suivent de façon constante et qui est claire et qui est stable. Non. À chaque fois, ils sautent d'une règle à l'autre. Ils ne peuvent pas appliquer le même principe partout. Parce que c'est des lois qu'ils ont inventées qui sont fausses. Et le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ça. Cheikh Al-Fawzan, il dit « Al-mukhalifuna li ahli sunnah fi bab al-asma'i wa sifat la yattafiquna abadan » Donc, les gens qui ont contredit la voix d'Ahl Sunnah dans la question des noms et des attributs d'Allah, ils ne sont jamais d'accord entre eux déjà. Ils ne sont jamais d'accord entre eux, ils sont jamais d'accord avec la vérité. C'est comme Cheikh, ça que je mentionnais la semaine passée, je pense, quand j'ai mentionné la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans Ar-Radd ala al-Jahmiya. Hein? Qu'est-ce qu'il disait l'imam Ahmad? Il disait Hum مخالفون للكتاب. OK, c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'il a dit. مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب ومتفقون على مخالفة الكتاب. C'est ça que l'imam Ahmad a dit. C'est-à-dire ils sont en divergence entre eux au sujet du livre, c'est-à-dire au sujet du Coran. Entre eux, ils sont pas d'accord. Et ils contredisent le livre. مخالفون للكتاب. Ils contredisent le livre. Donc, ils sont en contradiction avec le livre. Hein? Et متفقون على مخالفة الكتاب. Mais ils se sont mis d'accord entre eux pour contredire le livre. C'est-à-dire, pour contredire le livre, ils se sont tous mis d'accord. Hein? Ils contredisent le livre. Et ils se contredisent entre eux à propos du livre. C'est-à-dire, ils sont tous entre eux, ils sont tous en divergence. Il n'y en a pas deux qui sont d'accord sur le livre, sur le Coran. Et ils contredisent le Coran, mais ils sont d'accord entre eux sur le fait de contredire le Coran. Tu vois? Et c'est souvent ça que tu retrouves chez les jeunes bid'ah, c'est qu'ils sont en contradiction entre eux, ils s'opposent les uns les autres, et ils opposent la voix des salafs, donc ils sont contre la voix des salafs, mais ils se mettent tous d'accord contre la voix des salafs et contre les salafis. Donc tu les vois tous unis, ensemble, et tu dis, mais, subhanallah, ils sont tous des ennemis entre eux. Mais quand c'est pour nous attaquer, ils se mettent tous ensemble contre nous. Et tout d'un coup, c'est comme s'ils n'avaient pas de divergence entre eux. Ils oublient leur divergence. Et ça résume la règle, en fait, des hezbiyin qu'ils utilisent. C'est-à-dire, on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on s'excuse dans les choses dans lesquelles on a des divergences. Hein. Et comme un des ma chers expliquait, il dit ça, en réalité, ce principe-là ou cette règle-là, c'est une règle qui est inspirée en fait des idées des koufars et de la démocratie. Parce que tu vois, les koufars, malgré qu'ils sont tous en divergence, ils ont tous des idées, des positions, des partis différents, mais ils travaillent tous ensemble entre eux, ils collaborent entre eux pour essayer de gouverner ou diriger ou des choses comme ça. Donc c'est tiré de ces idées-là et c'est de là que ça s'inspire. Donc, pour revenir à la situation et à l'explication du Cheikh, il dit, donc, ils contredisent le Coran et la Sunna et ils sont dans la confusion totale au sujet des noms et des attributs. Donc, hum mukhalifuna li ahli sunnah. Ils contredisent la voix d'ahli sunnah et ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont jamais d'accord. لأنهم اتبعوا أهواءهم وعقولهم. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi leur passion et leur logique. Leur propre logique. Et il dit le Cheikh, والأهواء والعقول تختلف. Les logiques, parce qu'il n'y a pas une seule logique. Les passions et les logiques. Ou les raisons, les raisonnements des gens et l'intelligence des gens, elle est divergente. Il n'y a pas une seule passion, il y a des passions. Hein? Toi, tu as une passion, l'autre il a une autre passion différente, et l'autre il a une autre passion différente, ne sont pas d'accord entre eux. Et toi, tu as une logique, et l'autre, il a une logique, et l'autre, il a une logique, et chacun on a notre logique, hein. Et tout le monde prétend suivre la logique, alors qu'en réalité, non, c'est pas ça, c'est pas la réalité. Et comme le cheikh, il l'a mentionné dans d'autres exemples, et il va le mentionner encore plus tard, mais il n'y a pas de mal de le mentionner maintenant, parce que ça clarifie un point, c'est que quand tu vois par exemple les Jahmiyyah, eux ils prétendent qu'ils se basent sur la logique. Et les Mu'tazila prétendent qu'ils se basent sur la logique. Et les Asha'ira, ils prétendent qu'ils se basent sur la logique. Et les Maturidiyya, ils prétendent se baser sur la logique. Les quatre sectes disent, nous on se retourne à la logique et la raison. Pourtant, la logique des Jahmiyyah, elle leur demande de nier les noms et les attributs. La logique des Mu'tazila, elle leur demande d'affirmer les noms mais de nier les attributs. La logique des Asha'ira, elle leur ordonne d'affirmer les noms et juste sept attributs. Et la même chose pour les Maturidiyya, hein, d'affirmer les noms et d'affirmer huit attributs et de nier les autres ou de déformer leur sens. Donc, tous ces gens-là prétendent suivre la logique et il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Ils ont tous des logiques différentes. Donc, sur quelle logique on va se retourner? Et vers quelle logique? Toi, tu dis que c'est la logique que tu suis et tu fais ça. Et l'autre, il fait pas la même chose que toi, puis lui aussi se réfère à la logique. Hein? En réalité, c'est que, comme le cheikh dit, ils se basent sur leur passion. Et il dit, وَكُلُّ لَهُ رَأْيٌ وَكُلُّ لَهُ عَقْلٌ على قدره يخالف عقل الآخر ويخالف هوى الآخر فلذلك اختلفوا في هذا الباب. Le cheikh dit chacun il a une opinion à lui et chacun il a une raison à lui selon la proportion selon la proportion ou la mesure par laquelle il contredit la raison de l'autre et ou bien il contredit la passion de l'autre et c'est pour ça qu'ils se sont ils ont tous divergé entre eux au sujet de ces questions-là, au sujet des noms et des attributs. وَأَمَّا مَنِ اتَّبَعَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةَ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَعُقُولَهُمْ وَإِنَّمَا اتَّبَعُوا مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي غَيْرِهِ. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan l'explique encore. Il dit, en ce qui concerne ceux qui ont suivi le livre et la sunna, eh bien, eux, ils ne divergent pas. Ils ne divergent pas entre eux sur ces questions-là et sur d'autres questions. Parce qu'ils ont suivi, ils n'ont pas suivi leur passion et leur raison ou leur logique, mais ils ont uniquement suivi ce qui est mentionné dans le Coran et dans la sunna. Et donc, leur parole s'est unie, leur parole s'est réunie dans ce domaine-là et dans d'autres domaines également. Et le cheikh dit « وَهَذَا هُوَ السِّرْ فِي كَوْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَفِي كَوْنِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْفِرَقِ اخْتَلَفُوا. » Donc le cheikh dit « Et c'est ça le secret dans le fait que Ahlus Sunnati wal Jama'a ne divergent pas au sujet des noms et des attributs. Et c'est ça qui est le secret également dans le fait que les sectes et les groupes d'égarement ont divergé. C'est parce que, on se base pas sur les passions et on se base pas sur notre logique à nous. On retourne au texte et au livre et on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne le verset dans surat al-an'am, le verset 153. Il dit fallahu azza wa jalla yaqul wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi faj'ala sabilahu wahidan la yakhtalif لا يختلف من سار عليه وجعل ما خالفه سبلا كثيرة لا حصر لها وأخبر أنها تتفرق بأهلها فلا تجد فرقة متفقة مع فرقة أخرى وفي النهاية كل الفرق لا تصل إلى نتيجة ولهذا قال صلى الله عليه ولهذا قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مريج مختلف متناقض متضارب وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, et voici mon chemin droit, dans toute sa droiture, dans toute sa rectitude, suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront, et vous feront vous égarer, et vous diviser du droit chemin, de mon chemin, hein, de son chemin. Donc c'est pour ça que la vérité, elle est unique, et en dehors de cette vérité, il y a des petits chemins d'égarement, et tous ces petits chemins d'égarement-là sont des voies vers l'enfer et vers l'égarement. Donc le cheikh, il explique à propos de ce verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de son chemin un chemin unique, il n'y a pas de divergence dessus, c'est un seul chemin. Et celui qui marche sur ce chemin, il ne diverge pas avec celui qui marche avec lui sur ce chemin-là. Et il a fait de ceux qui divergent et qui sortent, hein, ils rentrent dans différentes petites voies qui sont illimitées dans leur nombre, tellement ils sont nombreux, les sentiers de l'égarement. Ils sont à l'infini. C'est-à-dire qu'il y a un nombre infini de sentiers d'égarement. Et il dit qu'il nous a informé que ces voies-là et ces sentiers-là, eh bien, ils divisent les gens qui les empruntent. Et donc, que tu vas pas trouver une secte qui est en accord avec une autre secte. Et à la fin, toutes les différentes sectes, elles amènent au même, toutes les différentes sectes, elles n'amènent pas au même résultat. Elles n'amènent pas à la même conclusion. Elles n'amènent pas à la même objectif. C'est normal, puisqu'ils ne vont pas dans la bonne voie. Hein? Celui qui ne va pas dans la bonne voie, il ne peut pas arriver à la bonne destination. Et le cheikh, il dit, وَلِهَذَا hein? Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Qaf, le verset 5, c'est qu'ils ont traité de mensonge la vérité lorsque la vérité leur est parvenue. Ils l'ont traité de mensonge. Hein? Alors ils sont dans un état de division, de divergence. Le cheikh explique marij, ça veut dire divergent, contradictoire, confusion, conflictuel. Hein? C'est ça que ça veut dire. Et il dit ensuite dans Surat Al-Baqarah, le verset 137, il mentionne ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous avez cru de la même manière que eux ont cru, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, si ils croient en la même chose que vous avez cru, alors ils seront bien guidés. Si ils croient en la même chose que ce que vous avez cru, alors ils seront bien guidés. Mais s'ils se détournent, alors ils seront dans la division. Ils seront dans le schisme, dans la division. Shiqaq, c'est la dissension, le fait de se diviser, de se séparer. Hein? Donc c'est ça le résultat. Donc s'ils ne croient pas en la même chose que ceux-là ont cru, hein, c'est-à-dire yani les prophètes et ceux qui ont suivi les prophètes, hein, s'ils les suivent et croient en la même chose que eux, ils sont bien guidés. Mais s'ils se détournent d'eux et ne suivent pas la même croyance que eux, alors ils seront dans la division. Et c'est ça qui arrive avec les sectes d'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne, le cheikh n'a pas mentionné plus de versets, mais il y a beaucoup de versets dans le Coran à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِسْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. Chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. فإن من ينكر الرؤيا. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue, Cheikh al-Islam, il dit فإن من ينكر الرؤيا يزعم أن العقل يحيلها فإنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن الله ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit, celui qui nie la vue, c'est-à-dire pas la vue, mais le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, eh bien celui-là, il prétend que la raison ou la logique rend impossible cette chose. C'est-à-dire, le fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection ou dans le paradis, hein, ça c'est quelque chose qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna. Et on doit y croire, et c'est obligatoire d'y croire et de l'affirmer. Mais il y a des gens de bid'a comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et ainsi de suite. Eux, ils refusent d'affirmer la vue d'Allah, qu'on va le voir au jour de la résurrection. Et ils prétendent que c'est quelque chose qui est impossible logiquement. Ils disent non, ça c'est impossible logiquement, on peut pas voir Allah. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans la Sunna, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous allez voir votre Seigneur comme on voit la pleine lune lors d'une nuit qui a pas de nuages. Yani, est-ce qu'il y a un exemple qui peut être plus clair que ça, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que quand il y a une pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages, est-ce que vous avez de la difficulté à voir Allah, à voir la lune, pardon? Parce qu'ils étaient en train de dire que, puisqu'ils allaient tous être réunis au jour de la résurrection, tous les êtres humains, ensemble, et que ils vont être debout. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, hein. Des fois, tu sais, quand il y a une foule, hein, même des fois, il y en a des assemblées comme ça, les gens essaient de regarder au loin, en avant, ils peuvent pas voir qu'est-ce qui est devant. Parce pourquoi? Parce que il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands, et en plus il y a la distance, et il y a beaucoup de monde, donc on n'arrive pas à voir. Donc il y a des sahaba qui ont demandé, ils ont dit, comment on va le voir, hein? Et le prophète m'a dit, est-ce que vous avez de la difficulté à voir la lune lorsqu'il y a une pleine lune et que c'est une nuit sans nuages? Alors ils ont dit non, on n'a pas de difficulté, on voit la lune facilement. Eh bien, le prophète a dit, c'est ainsi que vous allez voir votre Seigneur. Hein? Donc, c'est clair, ça c'est un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari. Hein? Et dans le Muslim, il y a des hadiths comme ça aussi. Et il y a les versets dans le Coran. « Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira »« ila rabbiha nadira » Ce jour-là, il y aura des visages éclatants. Hein? Qui regarderont leur Seigneur. Hein? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est affirmé dans le Coran et qui est clair. Les gens de Bid'a, comme les Mu'tazila, les Jahmiyyah, et ainsi de suite, eux, ils disent non, ça c'est impossible. Logiquement, c'est pas possible. On peut pas voir Allah, c'est pas possible. Et ils vont mentionner l'exemple de Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a demandé de voir Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa yara fasawfa tarani falamma tajalla lil-jabal yani, c'est pour dire que il a demandé à Allah de le voir et Allah lui a dit tu vas pas me voir mais regarde la montagne, si elle reste sur place alors tu vas me voir. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne, elle s'est pulvérisée, est devenue de la poussière. Alors, Moussa alayhi salam est tombé foudroyé. Et il mentionne ces versets-là, et ces exemples-là pour dire que c'est pas possible, on peut pas voir Allah. Et ça, c'est pour dire que, par exemple, ils essaient d'utiliser ce verset-là pour nier, mais ça, ça a un rapport avec la vie d'ici-bas. C'est vrai que dans cette vie, on n'est pas capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala parce que notre corps ne peut pas le supporter. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Allah subhanahu wa ta'ala enlevait, parce que Allah a des voiles, hein, et que s'il enlevait ses voiles, l'éclat de son visage brûlerait tout ce qu'il atteint. Donc, c'est pour dire que on n'est pas fait dans cette dunya pour supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va nous créer d'une façon différente qui fait que, c'est-à-dire il va nous donner plus une force et la capacité de supporter de le voir. Hein? Et donc c'est pour ça que on n'utilise pas les versets qui ont rapport avec le fait qu'on ne peut pas voir Allah dans cette dunya pour justifier ou nier la vue du jour de la résurrection. Et il y a des hadiths qui confirment que même dans le paradis, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et que ce sera le plus grand des plaisirs qu'il y a dans le paradis. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans le Coran, il dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ. Les ulama ont dit que الْحُسْنَى c'est le paradis. Pour ceux qui ont agi bien, Allah va leur donner الْحُسْنَى, c'est-à-dire le bien. وَزِيَادَ, et quelque chose de plus. Donc les ulama ont dit الْحُسْنَى, le bien dont il est question dans le verset, c'est le paradis. Ceux qui ont fait le bien, ils auront le paradis. Et le surplus, ou qu'est-ce qu'ils auront de plus, c'est le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y aura pas un plus grand délice au jour de la résurrection que le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est, en même temps, ça répond à ceux qui prétendent qu'il y a divergences chez les salafs au sujet de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui prétendent que les salafs ont divergé dans les questions d'aqidah. Et les ulama ont expliqué non, il n'y a pas de divergence entre les salafs dans la aqidah, ils sont tous d'accord. Hein? Et certains ont mentionné que, yani, certains ont dit ah, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains sahabes ont dit que Allah l'a vu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, et certains sahabes ont dit qu'il ne l'a pas vu. Donc ils disent ah, regardez, il y a une divergence entre les sahabas dans une question de croyance. Et la réponse à ça, c'est que non, c'est pas une divergence. Ça, c'est pas une divergence. Et ça, c'est pas une divergence dans la croyance non plus. Parce que déjà, à la base, ils sont tous d'accord sur le fait d'affirmer qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Il n'y a aucun des sahaba qui a nié qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection ou dans le paradis. Donc, il n'y a pas de divergence dans la base de la question et du sujet. Ceux qui ont divergé dans cette question-là, c'est les maturidiyah et les asha'ira, et les autres également, comme les Jahmiyyah et les Mu'tazila, Nisa. Tandis que en commençant par les Sahaba, aucun d'entre eux n'a nié qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. La question qui est arrivée, c'est au sujet de Al-Isra ou Al-Mi'raj, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait, fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est élevé, il a eu la nuit, dans la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj, il a eu l'ascension jusqu'au dernier des cieux et il s'est rapproché jusqu'à l'arbre. Hein, donc, à cet endroit-là, quand il est revenu, les sahaba ont demandé, comme Aïcha radiallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as vu Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit Nourun anna ara, c'est-à-dire c'est de la lumière, comment aurais-je pu le voir, hein? Et donc on vous l'a dit qu'il ne l'a pas vu. Et Abdullah ibn Abbas dans une narration, il mentionne qu'il l'a vu, hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce qu'il y a une divergence entre Aïcha et Ibn Abbas? Les ulama ont expliqué que non, puisque la chose que le prophète Sam a mentionné lorsqu'il a dit à Aïcha radiallahu anha qu'il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu avec ses yeux. Okay? Et qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas a affirmé lorsqu'il dit que le prophète Sam a vu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il l'a vu par son cœur, en fait, dans son rêve. Donc, ça c'est pour dire que oui, ça c'est possible. Donc, un nie une chose qui est différente de ce que l'autre affirme. c'est pas la même. Ce que l'un nie, c'est pas la même chose que ce que l'autre affirme. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Un nie la vue avec les yeux et l'autre affirme la vue avec le cœur. Donc il n'y a pas de contradiction puisque c'est deux choses différentes. Et donc il n'y a pas de divergence entre les salafs dans les questions d'aqidah. Et ça, c'est juste un exemple. Donc ceux qui ramènent des shubuhat, hein, comme celle-là, pour essayer de dire « Ah oui, les salafs ont divergé dans l'aqidah », ça c'est totalement faux. Et donc, le cheikh explique ici donc, que les gens de bid'ah, ils ont dit, comme par exemple, comme je disais, ils disent « On ne peut pas dire qu'on va avoir Allah au jour de la résurrection », ils prétendent que ça c'est quelque chose qui est impossible rationnellement ou logiquement. Alors, ils sont obligés de faire le ta'wil, qu'est-ce qu'on a parlé au dernier cours, c'est-à-dire d'essayer de déformer le sens de la vue. Et ils ne vont pas dire, par exemple, au lieu de dire, comme Allah il le dit dans le Coran, « Wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira » Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'ils vont regarder leur Seigneur. Eux, ils déforment le sens du mot « nadira ». Ils essaient de dire, par exemple, ils vont dire « Ila na'imi rabbiha nazira ». Ils vont regarder les délices de leur Seigneur ou le paradis de leur Seigneur. Ou des choses. Ils essaient de rajouter un mot pour essayer de changer le sens, pour dire que ce n'est pas Allah qu'ils regardent, mais c'est d'autres choses. Hein? Donc c'est une de leurs ruses, hein, de faire le ta'wil. Non. Ou bien d'autres exemples. Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, من ينكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة التي بإثباتها توارثت الأدلة من ينكرها يبني إنكاره على العقل يقولون إننا إذا أثبتنا الرؤية لزم أن يكون في جهة أن يكون الله في جهة والله عندهم ليس في جهة إلى غير ذلك من الشبهات ولو أنهم اتبعوا أدلة الكتاب والسنة وآمنوا بها ولم يتدخلوا فيها بعقولهم لسلموا. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit, celui qui nie que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection, alors que cette chose elle est affirmée par des textes qui sont mutawatir, c'est-à-dire sont rapportés dans un nombre de textes et de preuves tellement nombreux, et par tellement de rapporteurs que tu ne peux pas le nier, c'est une vérité, c'est quelque chose qui est affirmé clairement, il n'y a pas de doute à son sujet. Donc celui qui le nie, parmi les gens de Bid'a, comme j'ai dit, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et ainsi de suite, il base sa négation sur sa logique, sur ce qu'il prétend être la logique. Et ils vont dire, si on affirme la vue, qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, ça implique que Allah est dans une direction. Et pour eux, Allah n'est pas dans une direction. Alors si on affirme la vue, qu'on va voir Allah, ça veut dire que Allah est dans une direction, donc ça veut dire que pour eux, Allah ressemble à la création, donc il ne faut pas l'affirmer. Il faut nier qu'on va voir Allah. Hein? Et ils disent, c'est impossible. Mais si le cheikh il dit, ça fait partie de leur shubuhat, et ils ont d'autres shubuhat comme ça, et s'ils s'étaient basés ou limités à suivre les preuves du Coran et de la Sunna, et qu'ils auraient cru en ce qui a été dit dans les textes, eh bien, et qu'ils n'auraient pas, ils ne seraient pas rentrés dans les textes avec leur logique pour essayer de les déformer, eh bien, ils auraient été épargnés de ce genre d'égarement et de ce genre de contradiction. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement dans le Coran, dans la Sunna, qu'il est au-dessus. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Al-Fawqiyya, on l'affirme parce que Allah, il l'affirme pour lui-même. Il dit qu'il est au-dessus. Et au-dessus, c'est une direction. Il est au-dessus de sa création. Hein? Et donc, il n'y a pas de mal de l'affirmer puisque Allah l'a affirmé. Mais eux, ils disent, non, on ne peut pas l'affirmer. Allah musta'an. C'est ça l'égarement. Après le shaykh, il dit وَمَنْ يُحِيلُ أَنَّ لِلَّهِ عِلْمًا وَقُدْرَةً وَإِنْ يَكُونَ كَلَامُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ. Donc celui qui, il y en a d'autres également, comme les sectes qu'on a mentionnées, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Ashaira, les Maturidiya, les Ahbash, et ainsi de suite. Il y en a parmi eux comme qui vont l'affirmer, qui vont affirmer la science à Allah. Ils affirment le pouvoir. Il y en a qui le nient. Comme les Jahmiya, ils disent non, ils ne l'affirment pas. Ils n'affirment pas la science, ils n'affirment pas la puissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils nient ça. Ça, c'est de l'égarement. Et la même chose pour les Mu'tazila. Ils disent non, Allah, il n'a pas de science, il n'a pas de puissance. Ça, c'est grave quand même. Puis, les Asha'ira et les Maturidiya, eux, ils l'affirment. Ils vont affirmer la science et la puissance, mais parfois avec certaines erreurs dans leur façon de l'affirmer. Et la parole, ils l'affirment aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ils ont, les Asha'ira et les Maturidiya, ils ont des déviations dans la façon d'affirmer la parole. Parce que pour eux, la parole, elle n'est pas composée de lettres, elle n'est pas composée de lettres, et elle n'est pas reproduite par, c'est-à-dire elle n'est pas exprimée par une voix ou par un son. Pour eux, c'est uniquement quelque chose, comme ils disent, c'est une, comme si par exemple pour eux c'est comme quand ils parlent du Coran, ils disent c'est une, le Coran c'est une expression, hikaya, ou bien ils vont dire ibara, ils vont dire c'est une expression de la signification de la parole d'Allah qui est en lui. Donc pour eux, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas audible. On ne peut pas l'entendre. Elle n'a pas de lettres, elle n'a pas de voix. On ne peut pas l'entendre avec. Allah subhanahu wa ta'ala ne la fait pas entendre avec une voix. Donc, en réalité, il nie que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vérité. Tandis que les Jahmiya et les Mu'tazila, eux, ils nient complètement que Allah a une parole. Ils refusent d'affirmer que Allah parle. Alors que c'est clair dans le Coran et dans la Sunnah. Et ils disent que la parole d'Allah, comme le Coran, et les autres paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les autres révélations, ils disent que ça c'est créé. C'est quelque chose que Allah a créé. C'est pas une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, ils nient ces choses-là en se basant sur quoi? Sur ce qu'ils prétendent être la logique. Encore une fois. Ils disent, la logique rend cette chose impossible. C'est-à-dire que c'est impossible pour eux, logiquement, d'affirmer que Allah a de la science, ou de la puissance, ou une parole, ou n'importe quel autre parmi les attributs qu'il s'est attribué lui-même. Et donc, quand ils vont lire le Coran et lire les hadiths, et qu'ils vont trouver un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a la puissance, ou qu'il mentionne qu'il a la science, ou qu'il mentionne qu'il parle, et qu'il a une parole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter. Mais ils ne peuvent pas rejeter directement. Alors, ils vont déformer le sens. Ils vont changer la signification. Parce que s'ils disent on ne croit pas à ce verset, on va dire, ben, vous n'êtes pas des musulmans. Vous êtes des koufars. Mais ils ne vont pas faire ça donc, parce qu'ils ne veulent pas, sortir de la religion. Alors, ils vont déformer la signification. Ils vont faire ce qu'on appelle un ta'wil, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le cheikh, il explique ça encore. Il dit donc que par rapport à la puissance et par rapport à la science, il dit, le numéro 2, « Man yakul yastahilu an yakuna lillahi ilm, wa yastahilu an allaha yakdir, li anna hadhihi sifatul makhlouqin, wa allahu laysa kal makhlouqin, wa iza athbatna lillahi l'ilm wal kudra shabahnahu bil makhlouqin, li anna hadhihi as-sifat mawjoudatun fihim, هذه شبهتهم ولم يفطنوا أو يفطنوا إلى أن الله سبحانه وتعالى له علم لا يشبه علم المخلوقين وله قدرة لا تشبه قدرة المخلوقين كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils vont dire c'est impossible que Allah ait une science ou d'affirmer la science à Allah. Où c'est impossible que Allah ait une puissance. Parce que ça, c'est des attributs des créatures. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas comme les créatures. Et si on affirme à Allah la science et la puissance, ça veut dire qu'on a fait ressembler à Allah à ses créatures. Parce que ces attributs-là sont présents chez les créatures. Hein? Et donc ça, c'est leur choubah. C'est ça leur choubah. C'est ça leur argument, leur faux argument et leurs ambiguïtés qu'ils ramènent pour tromper les gens. Et le cheikh, il explique, il dit, ces gens-là n'ont pas compris que Allah subhanahu wa ta'ala a une science mais qui n'est pas semblable à la science des créatures. Et il a une puissance qui n'est pas comparable à la science des créatures. Comme il a une personne, un être, il est lui-même un être, hein, et il est différent des autres créatures en son être. Donc s'il est différent dans sa personne par rapport aux autres créatures, eh bien il est aussi différent dans ses attributs. Hein? Bien entendu. Donc, le cheikh il explique ensuite par rapport au ta'wil qu'ils font. Il dit يقولون إنه إذا أثبتنا الكلام لله لزم على ذلك محاذير ومنهم من يقول إن فيه مشابهة للمخلوق لأن المخلوق يتكلم ولا مشابهة بين المخلوق والخالق ومنهم من يقول إن الكلام من الحوادث والله ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك من الخرافات ولو أنهم سلموا وأثبتوا أن الله يتكلم على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى لسلموا من هذه الخواطر. Donc le cheikh explique que certains d'entre eux, par rapport à la parole d'Allah, ils disent que si on affirme à Allah la parole, l'attribut de la parole, ça pour eux, ça implique des choses mauvaises, des choses graves, des choses impossibles. Parmi eux, il y en a qui disent que ça veut dire que c'est une ressemblance avec les créatures, parce que les créatures parlent. Il n'y a pas de ressemblance entre la créature et le créateur. Hein? Il y en a parmi eux qui disent, si on affirme la parole à Allah, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des lèvres, il a des dents, un palais, une bouche, une langue, une gorge, hein, des cordes vocales, et ainsi de suite. Qui a dit ça? Hein? Ça, c'est des choses que eux, ils ont imaginées. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala peut parler comme il veut. Hein? Et s'il dit qu'il parle, on doit l'affirmer tel quel. Et on ne doit pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala comment il parle. Il parle comme cela lui convient. Hein? Et il parle quand il veut, et il dit ce qu'il veut. Hein? Et ces gens-là, c'est ça le problème, comme on a dit plus précédemment, ils font le tashbih dans leur esprit, puis après ils tombent dans le ta'til, dans la négation. Hein? Parce qu'ils imaginent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Allah a révélé. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit, parmi eux, il y en a qui disent la parole fait partie des choses créées, des choses nouvelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien de créé en lui. Et donc, ça veut dire que, il ne faut pas l'affirmer. Et beaucoup d'autres, comme parmi les paroles fausses qu'il ramène, et les superstitions et les faussetés. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, si ces gens-là se seraient soumis à Allah et qu'ils avaient affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une manière qui convient à sa majesté et à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, eh bien ils auraient été épargnés de toutes ces futilités, de toutes ces faussetés-là. Malheureusement, ils veulent rentrer dans ce qu'ils ne connaissent pas et parler à propos d'Allah sans science. Et ça, c'est la porte de l'égarement. Après, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit, rahimahullah, بل ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة. Donc on va juste voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui a été rajouté ici par le Cheikh Al-Rajihi dans son charh Al-Nafahat Al-Miskiya Al-Fatwa Al-Hamawiya. Justement, Cheikh Al-Rajihi, il dit ici, يعني كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل فالذي ينكر رؤية الله يوم القيامة يقول العقل يحيل أن يرى الله يوم القيامة لأن الرؤيا لا تكون إلا لجسم متحيز والله ليس جسما ولا متحيزا فإذا كان كذلك فيستحيل أن يرى فنفوا الرؤيا لذلك والذين يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا سمع ويستحيل أن يوصف الله بهذه الصفات لأن هذا فيه تشبيها له بالمخلوقات فكل طائفة تدعي أن عقلها أحال ذلك فهم في أمر مختلط ليس عندهم شيء منضبط لأنهم رجعوا إلى عقولهم والعقول متباينة متضادة متضاربة لكن الله سبحانه وتعالى لم يحلهم إلى العقول وإنما أنزل كتابه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل على نبيه الوحي الثاني السنة أي أوحى إلى نبيه السنة ليرجع الناس إليهما وليعملوا بهما لا ليرجعوا إلى عقولهم وزبالة أذهانهم وحسالة أفكارهم التي هي غير منضبطة فالله تعالى لم يحلهم إلى أمر غير منضبط وإنما أمرهم بالعمل بالكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أنزل الكتاب للهداية donc il résume le cheikh qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à depuis tout à l'heure ils disent chaque groupe Ils prétendent qu'ils ne peuvent pas affirmer ce qui est affirmé des attributs d'Allah à cause de la logique, leur raison. Et ils sont forcés par la suite à utiliser ce qu'ils appellent le ta'wil, c'est-à-dire déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui nie le fait qu'on va voir Allah au jour de la résurrection, il prétend que la raison rend cela impossible, hein, c'est-à-dire que pour eux c'est impossible logiquement qu'on voit Allah au jour de la résurrection, parce que pour eux, on ne peut pas voir quelque chose excepté si c'est un corps qui est limité. Et donc, Allah, ils disent, Allah n'est pas un corps et n'a pas de limite. Donc, à cause de ça, c'est impossible qu'on puisse le voir. Donc, ils nient le fait qu'on puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui disent que Allah n'a pas de science ou qu'il n'a pas de puissance ou qu'il n'a pas d'ouïe, eh bien, ils disent, c'est impossible d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ces attributs-là, puisqu'il y a en ça une ressemblance avec les créatures. Donc, chaque groupe prétend quelque chose, hein, et chaque groupe prétend que la raison leur interdit d'affirmer quelque chose. Hein, et l'autre n'est pas d'accord avec le groupe de l'autre. Hein, ils sont tous divisés. Par exemple, les Jahmiyyah, ils nient la puissance et la science. Et les Mu'tazila, ils affirment le nom. Que Allah est Al-Alim, ils vont le dire Al-Alim. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Qadir, ils disent il est Al-Qadir. Mais ils n'affirment pas l'attribut qui est relié à ça. Les Asha'ira, eux, ils affirment que Allah est Al-Qadir et qu'il a Al-Qudra. Ils affirment l'attribut. Et ils prétendent se baser eux aussi sur la raison et sur la logique. Et pourtant, comme on a dit tout à l'heure, ils sont tous en divergence les uns avec les autres. Donc ils n'ont pas une règle continue et fixe qui est constante et qu'ils suivent tous et qu'ils reviennent tous vers elle. Hein? Non, ils ont tous des bases différentes et des logiques différentes et ils sont tous en opposition et ils se frappent tous les uns les autres. Le cheikh il dit lakin Allah donc il dit mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas référé ou ne nous a pas demandé de nous référer à notre logique mais il nous a uniquement ordonné de nous référer à la révélation qu'il a envoyée et à qu'est-ce qu'il a clarifié à son messager et qu'il lui a révélé le Coran et la deuxième révélation qui est la sunna. Donc, il a révélé à son messager la sunna. La sunna, c'est une révélation. Et il a ordonné aux hommes de retourner vers le Coran et la sunna et d'agir selon le Coran et la sunna et non pas de retourner à la logique des gens et à la compréhension des gens ou à leurs pensées ou à leurs idées ou à ce que leurs esprits ont imaginé, qui ne sont pas constante et fixe sur une règle stable et claire. Et donc, le cheikh, il dit, Allah ne nous a pas ordonné de retourner vers quelque chose qui n'est pas constant, qui n'est pas stable, mais il nous a uniquement ordonné de retourner au Coran et à la Sunna et d'agir selon cela, puisque c'est dans le livre qu'il y a la guidance. C'est ça que le cheikh explique ici, Cheikh Al-Rajihi. Donc ici, il y a beaucoup de points. Peut-être plusieurs fois, on va se référer à l'explication de Cheikh Al-Rajihi pour comprendre certains passages. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah? Il dit, et il y en a même qui vont jusqu'à nier la réalité de la résurrection des corps. C'est-à-dire qu'ils prétendent qu'au jour de la résurrection, eh bien, c'est pas réel que les corps vont sortir de la terre et qu'ils vont être ressuscités, recréés par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils vont être ressuscités. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, من ينكر البعث يقول إن الأموات إذا صاروا ترابا وعظاما لا يمكن أن يعودوا أحياء كما كانوا. هذا مستحيل للعقل عندهم. قاسوا الله على خلقه. والله لا يقاس بخلقه لأنه على كل شيء قدير. فالذي بدأهم أول مرة وهم من العدم ألا يقدر على إعادتهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc le cheikh, il explique qu'il y en a parmi les gens de Bid'a, parmi les philosophes qui ont nié par exemple la résurrection des corps. Et ils ont dit, c'est pas possible que les morts reviennent après avoir été de la poussière et des os, qu'ils redeviennent vivants encore une fois. Ils disent ça, logiquement, c'est impossible. Et le cheikh, il dit, c'est parce qu'ils ont comparé, ou fait des analogies, essayé de comparer entre le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et la création. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés la première fois à partir de rien. Et donc, n'est-ce pas que c'est plus facile encore pour lui de les recréer une deuxième fois, hein, à partir de quelque chose, à partir de la poussière, encore plus facile. Et il le mentionne dans le verset 27, dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui qui a commencé la création, puis qui l'a refait. Et c'est encore plus simple pour lui. Et c'est à lui qu'appartient le meilleur exemple dans les cieux et sur la terre, et il est le Tout-Puissant et le Sage. Donc, ça c'est un exemple, et après il dit والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. Donc, il nie également, par exemple, que dans le paradis, on va manger et boire pour de vrai. Hein? Beaucoup d'entre les chrétiens, par exemple, ils affirment qu'il y a un paradis, c'est-à-dire qu'ils croient en un paradis, mais ils disent qu'on sera comme des esprits, des anges, ou des corps immatériels, qui sont pas matériels. On pourra pas manger ou boire dans le paradis. Hein? Donc, pour eux, il n'y a aucun plaisir charnel ou sensuel dans le paradis. Hein? Donc, le cheikh, ils ont dit ça c'est impossible logiquement. Et donc, ils sont obligés maintenant d'avoir recours au ta'wil, c'est-à-dire de déformer la réalité de ce qui est révélé dans la révélation. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, هذا فرع عن إنكارهم البعث. Il dit ça là, cette négation de qu'est-ce qu'on mange et de qu'est-ce qu'on boit dans le paradis, ou bien des femmes du paradis aussi. Hein? Par exemple, le fait qu'il y a des femmes vierges, éternellement vierges dans le paradis pour les croyants, et qu'elles sont plus belles que toutes les plus belles femmes qui existent sur terre, eh bien, il y en a beaucoup qui nient ça, et en particulier, comme on a dit tout à l'heure, j'ai mentionné les chrétiens, mais il y en a des gens d'égarement aussi, d'autres groupes d'égarement qui nient ça aussi. Et ils prétendent donc qu'il n'y a pas de ce genre de choses dans le paradis. Et c'est pour ça que ils veulent toujours se moquer des musulmans quand on affirme qu'il y a des plaisirs comme ça dans le paradis. Le nombre des vierges, oui, et ainsi de suite. ils essaient de se moquer de ça, puis de rire de ça comme si c'est quelque chose qui est comme si c'est pas possible pour eux, alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est facile. Et le cheikh il dit ça, c'est une, ça découle en fait de leur négation de la résurrection, puisqu'ils ont nié la résurrection, ils nient ça par la suite. Et il dit وَيُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ جَنَّ وَنَارٍ. Même, il nie même que le paradis et l'enfer existent. Il n'y croit même pas. Et يقولون ليس هناك إلا الحياة الدنيا ولا توجد دار أخرى ولا هناك جنة ونار وإنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Donc, يعني, il y a des sectes comme ça parmi les sectes des Gama, parmi ceux qu'on appelle Batiniyun, comme les Ismaélites et les Nusayriya. Eux, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas en enfer. Les Druzes, les Nusayriya, les Batiniyun, les Ismaéliyun, les Zakahan et les Bouhara, toutes les différentes sectes Batiniya, c'est des kuffars ces gens-là, ce n'est pas des musulmans. Ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en prophète. Pour eux, les prophètes, c'est des philosophes, c'est des hommes intelligents qui ont réussi à contrôler les hommes en inventant des histoires. Hein? Ça, c'est des idées graves. Et en même temps, ils disent, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Ça, c'est des états dans son esprit. Hein? Ou c'est la vie d'ici-bas. Hein? Ils ne croient pas, par exemple, en quoi que ce soit de ce qui est mentionné par rapport à le paradis et l'enfer, ou des choses comme ça. Ils disent, comme le cheikh explique, ils disent, ces gens-là, ils nient le paradis et l'enfer, et ils disent qu'il n'y a que cette vie d'ici-bas. Il n'y a pas de vie de l'au-delà. Hein? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Il n'y a que cette vie de la dunya. On vit et on meurt. On meurt et on vit. Et il n'y a rien qui nous fait périr, excepté le temps qui passe. Et ils disent, est-ce que vous nous promettez que lorsqu'on va mourir et qu'on sera devenu de la poussière et des os, hein, que vous allez ressortir de la terre après, hein? Hayhat, hayhat, c'est-à-dire, yani c'est comme, yani c'est loin, qu'est-ce que vous imaginez, yani c'est loin ce que vous pensez, ce que vous promettez. Il n'y a que cette vie d'ici-bas, nous mourons, nous vivons et nous ne serons pas ressuscités. Ça fait partie des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne des paroles des kuffars dans le Coran. Le verset 35 et 37 dans Surat al-Mu'minun, 35 à 37. Namutu wa nahya, yani yamutu qawm wa yahya qawm. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leurs paroles et ils disent que nous mourons, nous vivons. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent et il y en a d'autres qui naissent et qui vivent. Et le cheikh dit hadhi maqalatuhum li'annahum la yu'minuna biqudrati Allah 'ala kulli shay. Ça, c'est leur parole parce qu'ils ne croient pas que Allah est tout puissant et qu'il est capable de tout faire. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très facile de faire revivre les morts, de créer un paradis, de donner à certains qui sont au paradis un nombre de vierges, hein, de femmes qui sont vierges éternellement. Éternellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois qu'un homme va avec sa femme, eh bien, si il a un rapport sexuel avec elle, après avoir terminé, elle redevient vierge encore une fois. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des femmes qui aiment leur mari et qui sont très affectueuses envers leur mari. Hein? Et qui, comme la femme vierge dans cette dunya, elle reste attachée tout le temps à l'homme qui a pris sa virginité. Hein? Eh bien, dans le paradis, ces femmes-là sont attachées à leur mari et elles aiment leur mari et elles sont affectueuses envers leur mari éternellement. Le cheikh, il dit ensuite, ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيه يحيله العقل فيما يحيله العقل. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit la même chose que celui qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus de son trône et il prétend que cette chose est impossible rationnellement ou logiquement, eh bien il est obligé d'avoir recours à ce qu'il appelle le ta'wil, la déformation du sens des versets d'Allah. Et le cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, وَكَذَلِكَ يَنْفِي وكذلك من ينفي الاستواء على العرش والعلو على المخلوقات لله عز وجل يقول العقل يحيل هذا لأنه إذا قلنا إنه مستوٍ على العرش فهو محتاج إلى العرش وأنه صار في جهة والله ليس في جهة فهم وضعوا قواعد من أنفسهم من عند أنفسهم وصاروا يحكمونها على الكتاب والسنة. نقول العقل لا يحيط بالله عز وجل، هذا شيء خارج عن مدارك العقول. العقل السليم لا يحيل هذا، بل يسلم لله عز وجل ويؤمن بالله ويصدق بخبر الله، يعني ويصدق بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء. Donc le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit que la même manière que on ne nie pas, de même que celui qui nie al-istiwa, qui nie que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône et qui nie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a comme attribut al-ulu, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, au-dessus de toutes ces créatures, il prétend nier ces choses-là en se basant sur la logique et sur la raison. Et il dit, si on affirme que Allah est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il a besoin du trône, ou bien qu'il est dans une direction et Allah n'est pas dans une direction. Donc ils ont établi des règles d'eux-mêmes et ils ont commencé à essayer de juger le Coran et la Sunna en se basant sur ces règles-là qu'ils ont inventées, comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous, on dit à ces gens-là, la raison n'empêche pas d'affirmer ces attributs-là. Yani, ce n'est pas impossible, logiquement, de les affirmer. Et, de toute façon, notre logique, notre raison, ne peut pas envelopper Allah subhanahu wa ta'ala. ne peut pas comme envelopper Allah subhanahu wa ta'ala dans notre on n'est pas capable par notre logique de comprendre complètement qui est Allah et comment il est, ça c'est pas possible, et donc elle est limitée notre logique, et ces éléments là dépassent la limite de la capacité de notre raison et de notre logique. Et la logique propre et saine, elle ne va pas considérer ça comme étant impossible, même qu'elle va se soumettre à Allah et croire en Allah et accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont mentionné et ont dit à ce sujet-là, parce qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala a la puissance et le pouvoir sur toute chose et qu'il n'y a rien qui ne peut rendre Allah subhanahu wa ta'ala impuissant. Et ensuite, donc je pense que pour aujourd'hui, si on s'arrête ici, ça va être parfait. Comme ça, on va commencer au prochain cours avec la suite de ce que le cheikh Ibn Taymiyyah a dit à ce sujet. On va juste vérifier un truc ici. Donc on va juste lire la parole de Cheikh Al-Rajihi à partir des mêmes points qu'on vient de lire dans la parole de Cheikh Al-Fawzan, puis de Cheikh Ibn Taymiyyah, puis après on va s'arrêter là. on continuera le reste au prochain cours, inshallah. Donc, qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Rajihi hafizahullah. Il parle des gens qui prétendent qu'on ne peut pas manger ou boire ou qu'on ne va pas être ressuscité avec nos corps au jour de la résurrection. Cheikh al-Rajihi, il dit à ce sujet-là, il dit « Humul kafara min al-falasifa wa ghayrihim »« Hatta al-kafara alladhina yunkiruna al-ba'ath wal-hashr »« Yani hashr al-ajsad wa ba'athiha »« Yaquloun al-aql yuhilu hadha » فالكفرة كابن سينا وغيره يقولون الأجساد لا تعاد وكذلك تعاد وكيف تعاد الأجساد بعد أن بليت وصارت ترابا فهذا مستحيل بزعمهم وإنما الذي يعاد الروح والمقصود أنه إذا فتح هذا الباب أي باب التأويل ضاع الدين والعياذ بالله. Donc le Cheikh Al-Rajihi rajoute un point important par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que ceux qui nient la résurrection et ceux qui nient yani le fait qu'on va être ressuscité avec notre corps et aussi que dans le paradis on va manger et on va boire et ainsi de suite, c'est des mécréants parmi les philosophes et d'autres gens de cette catégorie-là comme les Batiniyoun dont j'ai parlé tout à l'heure. Et eux aussi ont recours à du ta'wil, parce que comment ils vont expliquer les versets dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis et lorsqu'il mentionne que dans le paradis on va boire et on va manger et qu'on va avoir un corps. Donc qu'est-ce qu'ils font avec ces versets-là? Ils font la même chose que qu'est-ce que font les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya lorsqu'ils nient les attributs d'Allah. Ils font la même chose, eux aussi font le ta'wil, mais avec même des choses qui n'ont pas rapport avec les attributs d'Allah, même avec des choses qui ont rapport avec le ghaib comme le paradis et l'enfer, ils font le ta'wil aussi de ces choses-là. Donc, yani, ils ont recours à la même ruse dans ces questions-là. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Rajihi? Il dit que ces gens-là sont des mécréants, c'est des kuffars, parce qu'ils nient la résurrection, et il dit qu'ils nient le retour des corps. Hein, et ils disent que c'est seulement l'âme qui va être ressuscitée, non pas le corps. Et ils disent que logiquement, c'est impossible que les corps soient refaits après qu'ils soient devenus de la terre. Comme Ibn Sina, hein, un des philosophes que beaucoup de musulmans mentionnent. Il y a même une école musulmane à Montréal qui s'appelle Ibn Sina, c'est pour dire. Et dans les pays musulmans, il y a des hôpitaux, il y a des écoles qui s'appellent Ibn Sina. Et en réalité, Ibn Sina, c'est un kafir. C'est un Qirmiti, fait partie de la secte des Qaramita, des Batiniyoun, de la secte des Ismailiyya. Et ces gens-là ne croient pas en l'islam réellement. Ils se prétendent être des Shi'as. Ils se donnent l'apparence ou se font passer pour des Shi'as. En réalité, même les Shi'as, les Rafidah, les déclarent kuffar. C'est pour dire à quel point ils sont égarés. Et ces Ismailiyoun, yani, pour eux, comme j'ai dit, il n'y a pas de résurrection des corps, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ces choses-là, ils n'y croient pas. Ils interprètent ça, tout ça comme étant allégorique et symbolique. Hein? Et Ibn Sina fait partie de ces gens-là, et Al-Farabi. Donc, souvent quand tu vas lire des paroles des koufars ou bien de certains islamistes, de certains yani, modernistes, ils vont mentionner « Oh, regardez, l'islam et a aidé la science et l'évolution de la science et l'Europe a pris sa science des musulmans et ainsi de suite. » Et ils vont mentionner comme exemple des penseurs ou des philosophes yani, comme Ibn Sina et Al-Farabi et ainsi de suite. C'est comme si pour essayer de dire « Oh, regardez, nous, on a eu des grands penseurs, des grands ci et ça. » Alors que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam et que c'était des koufars. Hein? Et même qu'il y a des fatwas des ulama au sujet de ces gens-là, ils disent qu'on n'a pas le droit de nommer nos écoles avec le nom de ces personnages-là, parce que ce sont des égarés. C'est vrai que dans la science, dans la médecine, des choses comme ça, oui, ils ont ramené des choses bénéfiques que les koufars ont utilisées par la suite. Et même ils ont latinisé son nom. Ibn Sina, il l'appelle Avicenne, Donc, si tu veux chercher son nom en français, c'est Avicenne. Mais son nom, c'est Ibn Sina, hein, en arabe. Et c'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah, ne croit pas en les prophètes, ne croit pas en les anges, ne croit pas en les messagers, ne croit pas au paradis, ne croit pas en l'enfer. C'est des gens, c'est ça leur aqidah. Et ils utilisent la taqiyya. C'est-à-dire, avec les musulmans, ils utilisent le mensonge, l'hypocrisie, le camouflage. C'est-à-dire, ils cachent leur vraie croyance aux musulmans pour se faire passer pour des musulmans, alors qu'en réalité, ils ne croient en rien de ce qui est dans la révélation. Ibn Arabi, c'est pas pareil. Ibn Arabi, c'est un kafir, un égaré. Mais lui, c'est parce qu'il était dans la philosophie soufisme. Il mélangeait le soufisme et la philosophie. Et c'est lui qui a ramené les idées comme la croyance en Wahdatul Wujud. Et ça, c'est une aqidah qui vient des Jahmiyyah. C'est-à-dire, eux, ils disent Allah est tout. Et tout est Allah. Et il n'y a pas de différence entre le Créateur et la créature. Le Créateur et la créature sont une seule et même chose. Et celui qui voit une distinction entre la création et le Créateur, eh bien, il est mouchrik pour eux. Parce qu'il a affirmé deux existences plutôt qu'une. Donc, c'est pour dire que ça, c'est des gens, qui ont mélangé la religion, ils l'ont renversé à l'envers. Même pour eux, ils disent que celui qui adore des idoles, c'est pas un mouchrik. S'il affirme que ces idoles-là, c'est Allah. Et que Allah fait partie de tout et dans tout. Tu vois? Oui. C'est correct. Ils disent qu'il n'est pas mouchrik dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour tout. Donc il est pour eux, il n'est pas mouchrik. Et même une fois, j'ai vu, il y a le centre Naqshbandi à Montréal, les soufis de la tariqa Naqshbandi, avec leur imam Omar Kone maintenant. Bon, avant ça, il y avait d'autres. Il y avait Farhat, le Tunisien, qui était là-bas. Maintenant, je ne sais pas s'il est encore là-bas. En tout cas, ces gens-là, ils ont fait des vidéos qu'ils ont mis à un moment donné sur YouTube, sur Internet, en tout cas, ils ont mis sur certains sites. Et tu les vois, par exemple, en train de... Ils étaient dans un centre, je pense, je ne sais pas en quelle occasion, mais il y avait dans ce centre-là, tu vois, dans un coin, il y a un bouddhiste en train de méditer. Eux, en même temps, hommes et femmes, ils sont en train de tourner en rond avec leur turban, là. Les hommes et les femmes, ils sont là au milieu, ils sont en train de tourner. Un, il met sa main il met une main en haut, une main en bas, puis ils tournent en rond pendant des heures. Et ils sont mélangés, bien sûr, hommes et femmes. Dans l'autre coin, tu vois un sapin de Noël. Hein? Et donc, et puis là, après, il y a des gens qui sont assis, ils regardent ça. Donc, oui, ils ont mis cette vidéo sur YouTube. Donc, quand j'ai vu ça, elle est encore là-bas. Donc, tu vois. Donc, exactement. Ils tournent en rond, comme les derviches. Hein? Donc, tu dis à toi-même, tu dis, subhanallah, c'est quoi? Pour eux, c'est bouddhistes, c'est hindous, c'est pas des koufars. Et les chrétiens, c'est pas des koufars pour eux. Hein? Et les juifs, c'est pas des koufars pour eux. Pour les soufis, ils ont un principe, auquel ils appellent, c'est wahdatul adyan. Comme ils ont wahdatul wujud, l'unicité de l'existence, pour eux, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, ils ont aussi, qu'est-ce qu'ils appellent, wahdatul adyan. L'unicité des religions. Et que pour eux, donc, il n'y a pas de mouchrik, il n'y a pas de kafir. Tout le monde sont croyants. Hein? Et si tu vas jusqu'au bout, bon, c'est exactement ça la croyance aujourd'hui de la franc-maçonnerie et des idées de la franc-maçonnerie qu'ils sont en train de pousser dans la société par différents moyens pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit ensemble, peu importe la religion. Il n'y a pas de différence entre le musulman, le juif, le chrétien, l'hindou, le bouddhiste, l'athée. On doit tous être ensemble et tous s'aimer. Et il ne faut pas qu'il y ait de divergence entre nous. C'est culturel. Tout ça, pour eux, c'est culturel. Même ils ont un programme, maintenant, un nouveau programme de religion au Québec. Ça s'appelle le cours de religion et culture. Hein? Et ils enseignent dans ce cours-là toutes les religions, comme si c'était des cultures. Pour eux, c'est des cultures. En fait, pour eux, là, ouais, pour eux, ils classent la culture, c'est eux, ça c'est le centre. Puis, pour eux, la religion, c'est un des éléments qui découle de la culture. C'est-à-dire que pour eux, la religion, c'est un fruit de la culture. Alors que c'est le contraire en réalité. La vérité, selon l'islam, c'est que la culture ne découle pas de la religion ne découle pas de la culture. La religion, c'est une révélation d'Allah. Elle vient d'une révélation. Donc, elle n'est pas influencée par la culture. Hein? Mais, une fois que quelqu'un... une fois que les hommes reçoivent cette religion qui vient d'Allah et qui vient du messager, qui vient d'Allah par l'intermédiaire du messager, ils peuvent, comme c'est arrivé dans l'histoire, déformer le message des messagers. C'est ça, ils mettent des touches personnelles. Soit ils enlèvent des choses ou ils rajoutent. Et là, dans ce cas-là, ça devient plus culturel que la réalité de la croyance islamique. Et c'est pour ça que tu vois des musulmans, par exemple, qui viennent vivre dans des sociétés comme ici, des sociétés de kufr. Déjà, on sait que ça, c'est pas permis. Mais ils quittent les pays musulmans pour venir vivre dans les pays non musulmans. Et étant donné qu'ils connaissent pas la aqida de l'islam, ils prennent la religion comme une culture seulement. Et quand les kuffars parlent avec eux, ils leur disent, mais écoutez, vous êtes des musulmans, mais vous êtes dans un pays non musulman, maintenant vous devez adapter votre culture à notre société. Parce qu'ils s'imaginent, ou ils essaient de faire croire aux musulmans que l'islam c'est une culture, et que ça change selon le lieu et l'époque. Non, mais l'islam c'est une croyance, et c'est une religion. Et donc ça vient d'Allah, c'est basé sur une révélation. Et ça ne change pas selon le lieu et l'époque. Hein? Les fondements de la religion restent tels quels, ils vont toujours rester tels quels. Donc c'est ça. Ça c'est important de le comprendre. Puis pour revenir à ce que le cheikh explique, il dit فَهَذَا مُسْتَحِيلُ بِزَعْمِهِ. Donc il prétend que c'est pas possible qu'on soit ressuscité, parce que pour eux, si t'es de la poussière, t'es dans la terre, c'est pas possible. C'est juste ton âme qui revient selon eux. Et le cheikh explique, il dit le but de mentionner ça, c'est pour faire comprendre que si tu ouvres la porte du ta'wil, c'est-à-dire de déformer le sens des textes de la religion, eh bien c'est la destruction de la religion et la perdition de la religion complètement qui va se produire. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, pourquoi il mentionne ces exemples-là, cet exemple-là de la résurrection puis de la nourriture au paradis? C'est-à-dire, oui, mais en même temps, il mentionne ça, c'est pour montrer, ces gens, les Mu'tazila et les Jahmiya, eux, ils ont nié des attributs d'Allah. Et ils ont utilisé le ta'wil pour déformer le sens des attributs, pour essayer de faire passer cette affaire-là. Mais si on va jusqu'au bout, dans le ta'wil, il n'y a plus rien qui reste. Parce que non seulement les Qaramita, les Ismailiyoun et les autres ont utiliser le ta'wil pour nier la résurrection et qu'il y aura de la nourriture pour les croyants dans le paradis qui vont manger et boire et qu'ils auront des femmes et ainsi de suite, eh bien ils ont même déformé et fait le ta'wil des termes même de la charia, comme par exemple le terme salat, le terme jeûne, le hajj, la zakat. Les Ismaéliens, ils vont dire la zakat, ça ne veut pas dire zakat. Et le saum, ça ne veut pas dire le jeûne qu'on fait dans le ramadan. Pour eux, le jeûne, siyam, ça veut dire de cacher les secrets de la secte. Et par exemple, le shahadatin, ça ne veut pas dire le shahada que les musulmans font. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadur rasulullah. Leur religion, c'est une religion ésotérique. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on les appelle batiniyoun. Parce que pour eux, chaque mot dans le Coran, chaque enseignement dans l'islam, il a une signification et une interprétation secrète et cachée que seuls les initiés peuvent comprendre et connaître. Et si tu n'es pas initié, tu ne peux pas le savoir. Donc ça veut dire que le ta'wil, si tu le pousses à la limite, tu vas détruire même toute la religion complète. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, si vous vous levez pour la salat, alors lavez vos visages et faites le wudu. Ils vont dire farsilo, yani, laver le visage, ça ne veut pas dire laver, ça veut dire d'autres choses. Hein? Ils vont donner d'autres sens à chaque mot. Il n'y aura plus rien. Ils vont dire, bon, le voile pour la femme, ça ne veut pas dire de porter le vêtement, mais ça veut dire voiler symboliquement. Ou bien, ils vont trouver plein d'autres interprétations. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Ils sont en train maintenant d'essayer d'interpréter l'islam pour dire, ben, l'islam, puis la démocratie, c'est la même chose. Puis la laïcité, c'est pas contraire à l'islam. Puis, donc, toi que si tu rentres dans le ta'wil et que tu utilises le ta'wil de cette façon, tu vas complètement déformer la religion au complet. C'est pour ça que les salafs, ils ont combattu ces idées-là depuis qu'elles sont apparues au tout début. Parce qu'ils savaient où est-ce que ces gens-là essaient de les amener et où est-ce qu'ils veulent aller. Et c'était quoi leur but et leur objectif. Et donc, ils les ont combattus depuis le début. Et c'est ceux qui ont défendu la aqida salafia et la voie des salafs qui ont opposé ces gens-là depuis le début. Hein? Et ceux qui ont ramené ces choubouhats-là à l'intérieur de l'islam, ce sont les sectes et les gens de bid'ah. Et à notre époque, parmi ceux-là, les plus forts à ramener ces choubouhats parmi les musulmans, ce sont les groupes de hizbiyya, comme les Ikhwan et ceux qui les suivent, et les autres groupes comme Tablir et les Soufiyas et les Shia. En Afrique, exactement. Non. Exactement. C'est ça. Tu vois, comme par exemple, les Soufis, ils sont pas. Pour le voile, c'est ça, exactement. Comme le frère, il dit. Tu mets juste une petite affaire sur ta tête. Ouais. Une petite panque, un petit foulard, un fichu. Hein? Et tu mets ça sur ta tête, ça suffit. Pas besoin de faire plus. Hein? Donc, c'est pas de prendre les textes tels qu'ils sont. Dernier point, et on va s'arrêter avec ça. Le cheikh, il dit, وكذلك الذين ينفون الفوقية والعلو يقولون قوله فوق العرش مستحيلا لأنه إذا صار فوق العرش صار متحيزا محدودا وجسما وهذا تنقص له تعالى والله أعلى من أن يكون جسما وأن يكون محدودا فإذا يستحيل أن يكون فوق العرش ونحن نقول إذا رتبوا هذه النتيجة الباطلة على تلك المقدمات الفاسدة فأين يكون الله عندهم قال بعضهم يكون في كل مكان وقال آخرون ننفي النقيضين يعني فنقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيزا له ولا متصل به ولا منفصل عنه فماذا يكون هذا العدم بل العدم كائن وهو أعظم والعياذ بالله يعني والعياذ بالله استحوذ عليهم الشيطان فأوصلهم إلى هذه النتيجة donc Cheikh Al-Rajih il dit quoi il dit de même que ceux qui ont nié le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création et qu'il soit dans Al-Ulu élevé au-dessus de toute chose ils disent que le fait d'affirmer que Allah est au-dessus de son trône c'est quelque chose d'impossible logiquement parce qu'ils disent que si on affirme que Allah est au-dessus de son trône ça veut dire qu'il est délimité et qu'il est comme un corps et qu'il est limité hein? Eh bien ils prétendent donc ils disent ça c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala de dire qu'il est un corps ou de faire de lui un corps ou de faire qu'il soit limité et ça c'est impossible donc d'être qu'il soit sur le trône c'est impossible pour eux et le cheikh il dit nous on répond et on dit parce que déjà en partant on n'a jamais dit qu'est-ce qu'ils prétendent et en même temps on n'a fait qu'affirmer ce que Allah a affirmé dans la révélation donc le cheikh il dit nous on dit si on prend ce que vous prétendez, si on accepte ce que vous prétendez comme conséquence ou comme conclusion fausse, en se basant sur les prémices que vous avez établies, qui sont elles aussi corrompues et fausses. Alors dans ce cas-là, on vous pose la simple question, où est Allah dans ce cas-là pour vous où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala selon vous? Ça, c'est une question. On a mentionné déjà que c'est permis de la poser, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question à la fille, à la jeune esclave. Hein? Donc, dans ce cas-là, si vous dites qu'est-ce que vous prétendez, où est Allah? Répondez à cette question. Et là, le cheikh il dit, parmi eux, il y en a qui disent, il est dans tout, il est partout. Hein? Il y en a qui répondent, ils disent, il est partout. Et ça, c'est kufr. Et il y en a d'autres qui vont dire, on va nier les deux choses opposées ou contradictoires. Dans le sens qu'ils vont dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas à l'intérieur du monde. Il n'est pas à l'extérieur non plus. Il n'est pas en haut et il n'est pas en bas. Il n'est pas séparé du monde et il n'est pas limité par rapport au monde. Il n'est pas rattaché au monde, il n'est pas séparé du monde. Alors dans ce cas-là, il est quoi? Cette description-là, le cheikh il dit ça, c'est la description du néant. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'existe pas. C'est ça, exactement. Et le cheikh il dit même que le néant existe. Hein? Le néant, c'est quelque chose qui est. Donc, ça veut dire que pour eux, Allah n'est même pas le néant. Hein? Et donc, ça c'est pour dire que le shaitan a pris le dessus sur eux. Et on voit jusqu'à où cet égarement-là les a menés, jusqu'à même à nier l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu dis que Allah est partout, ça veut dire quoi? Ça revient à dire que il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, comme Wahdatul Wujud, Ibn Sina, Ibn Arabi. Quand tu dis il est partout, ça veut dire ça. Tu ne peux pas distinguer entre qu'est-ce qui est Allah et qu'est-ce qui n'est pas Allah, ou où Allah est et où il n'est pas. Tu ne peux pas dire. Alors ça veut dire que tu as nié son existence distincte. Et si tu dis que il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas attaché, il n'est pas détaché, il n'est pas ajib. Alors ça veut dire que tu as dit qu'il n'est pas, il n'est rien, il n'existe pas. Hein? Et ça c'est de nier son existence, ça veut dire ça aussi c'est kufr. Hein? Et l'imam Ahmed leur avait posé la question d'une autre façon. Il leur a dit, ok, il leur a dit, comme si Allah subhanahu wa ta'ala existait alors que le monde n'existait pas. Il n'avait pas encore créé quoi que ce soit. Puis il a créé le monde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde, est-ce qu'il l'a créé à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? Et l'imam Ahmed a dit, si ils disent qu'il l'a créé à l'intérieur de lui-même, ils sont kuffars. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses créées à l'intérieur d'Allah. Ça c'est kufr. Et la seule réponse qu'ils peuvent donner, c'est qu'il a créé la création à l'extérieur de lui-même. Et c'est ça la vérité, puisque nous on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il enveloppe sa création. Hein? Et donc la vérité c'est ça, c'est qu'il est au-dessus de sa création, au-delà de sa création. Et comme on a mentionné hier dans le cours et dans d'autres cours précédents, qu'au jour de la résurrection, hein, on a dit que yani, comme Abdullah ibn Abbas a dit, que l'univers tout entier pour Allah, c'est comme une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Et qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va fermer l'univers au complet, les cieux et la terre dans sa main droite. Donc, yani, comment tu peux penser ou imaginer que yani, Allah, yani, d'affirmer qu'il est au-dessus de son trône, c'est un problème? Pas du tout. Hein? Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône et il n'a pas besoin du trône, c'est le trône qui a besoin de lui et ainsi de suite, comme on en a déjà parlé. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Oui. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik.